Vous êtes peut-être déjà demandé que faire d'autre avec de la choucroute. Eh bien, voici une idée qui nous vient d'Estonie. Des chips de choucroute. Des pétales de choux déshydratés que l'on peut déguster à tout moment de la journée.